42e édition du tournoi Bantam qui s'ouvre aujourd'hui dans le secteur de Mistassini. Il y aura également des matchs dans le secteur de Dolbeau. Pour en discuter, on parle avec Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Salut Dan. Ça va bien. Pierre-Luc qui est le président encore une fois pour une deuxième année consécutive. Hey, dis-moi, l'an passé, Pierre-Luc, vous aviez pris ça comme un cheveu sur la soupe, comme on dirait l'expression, avec une nouvelle équipe, pas trop d'expérience. Cette année, là, vous savez, c'est toujours la première année qui est la plus difficile à organiser. Là. La deuxième année, est-ce que cette année, ça a bien été? Pour l'organisation, la logistique et tout oui. ça? Là? Ben oui, je dirais que c'est sûr que l'ayant fait une fois, puis que je dirais que le noyau du comité est le même, ça a été plus facile pour nous autres là, d'avoir nos repères et de travailler cette année. OK, OK. Bon, j'ai toujours une entrevue avec Danny Lavoie. Toutes les semaines, on a parlé du hockey du tournoi cette année. Un peu moins d'équipes qu'on disait, hein, que Danny me disait, c'est ça? Oui, effectivement. On a 19 équipes inscrites, comparativement à 28 l'année passée. Sauf que c'est un phénomène qui n'est pas juste local là, au niveau Bantam, là, c'est même régional puis provincial. Là. Donc, on s'est informé, puis c'est un peu partout comme ça. OK. Est-ce que les nouvelles réglementations, ça a un lien à voir? Comment expliquer ça, cette baisse? Je dirais que les nouvelles réglementations, au niveau du contact, peut-être un peu. La réalité, c'est que c'est sûr que c'est plus difficile d'aller chercher des équipes d'extérieur pour le double lettre parce que eux, ils ont quand même du 3A, du 2A, du 2B, du 2C, tandis que nous, on a juste du 2A, du 2C. Donc, c'est sûr que ça peut être plus difficile d'aller chercher des équipes de Montréal puis Québec, mais c'est pas juste ça. Je pense qu'il y avait une baisse en général dans ces années-là qu'il faut considérer aussi. OK. Donc, 19 équipes qui vont... C'est pour ça que ça a commencé un peu plus tard, c'est ça? Effectivement, on a décidé de commencer le mercredi pour cette raison-là. OK. Donc, ça commence à quelle heure? Et c'est sous la présidence d'honneur d'Isabelle Boislin. De Deloitte, est-ce qu'elle est encore sous Deloitte et Touche en passant? Non, Isabelle est avocate chez SBL Avocat. SBL Avocat, OK. Donc, il me semble qu'elle avait déjà été sur Deloitte et Touche pour ça. Donc, c'est 19 formations. Ça vient de où? Je dirais qu'on a des équipes un peu comme à l'habitude, là. Du coin de Chibougamau, Cécile vient dans le double lettre, dans le 2C. On a des équipes de la Mauricie, la TUC. On a des équipes de Québec, beaucoup. Val-Bélair, Val-Cartier ont trois équipes dans le A et dans le B. Il y a peut-être une ou deux équipes là, d'un peu plus loin que Mauricie-Québec, là, peut-être dans le coin de Montréal. OK, OK. Donc, ça, c'est bon quand même pour le secteur. Hein. Tu parles de restauration, tu parles de faire virer notre économie. C'est vraiment bon, là. Ah, c'est très bon, en fait. Moi, je pense que, surtout les équipes de l'extérieur, effectivement, là, je pense que ça fait une belle visite pour notre ville, puis ça, c'est le fun. Je pense qu'on est tous très conscients, puis... favoriser ce OK. Donc, ça va commencer à s'asseoir. Il y a trois matchs ce soir au programme, c'est ça? Deux matchs ce soir. Donc, le premier, ça commence à 18h30 dans le A, les Aigons dans le Mât contre les Sables de Robertval. Puis à 19h45 ce soir dans le B, notre équipe locale, les Éperviers Normandins, vont affronter les Centurions de Alma. OK. Donc, ça commence. Comment ça coûte le prix d'entrée? Le prix d'entrée pour une journée pour les adultes, c'est 6$. Pour les 13-17 ans, c'est 2$. 12 ans et moins, c'est gratuit. On peut acheter aussi la passe pour le tournoi qui est à 15$ pour les adultes, puis 5$ pour les 13-17 ans. OK. Donc, on rappelle à tous les jours, même en fin de semaine, on aura des reportages avec Pierre-Luc Ménard. Pierre-Luc, il me reste juste à te souhaiter merde. On sort.